Et on poursuit les matins éphémères avec Dominique Lelièvre en remplacement de Caroline Stephenson pour parler d'une problématique qui vous touche peut-être et peut-être que vous ne le savez même pas, peut-être que vous ne voulez pas le voir. Malheureusement, c'est plus répandu, j'ai l'impression, qu'on le pense dans les environnements de travail. Il y a de l'intimidation, du harcèlement, de l'exclusion et ça peut être assez subtil par moment. Alors, mais ça peut rendre quand même la vie assez difficile au travail. Et il y a un groupe d'entraide et d'écoute qui est en train de se former. C'est l'initiative d'une collègue ici à CKRL. Elle s'appelle Mélanie Fleurant. Bonjour Mélanie. Bonjour Dominique. Alors tu animes tous les vendredis l'émission Les Différents. C'est oui. À 9h. Et par moment je t'écoute ou je vois passer les sujets sur Facebook et je me rends compte que je me reconnais parfois dans tes sujets. On oui. a tous une différence. Il n'y a pas personne qui est parfait. Et malheureusement, les différences, des fois, ça peut nous valoir certaines situations problématiques ouais. au travail. Ben la différence, moi, dans le cas de mon émission, je la mets en évidence. J'essaie d'enlever les tabous, les préjugés, l'exclusion aussi qui ouais. amène à la différence. Et je me suis rendu compte au fil des années de regarder tout ça, et il y en a beaucoup dans le milieu du travail, pas nécessairement au niveau de la différence en tant que telle, mais de l'exclusion, il y en a beaucoup, de l'intimidation qu'on appelle aussi du harcèlement. Donc, c'est une belle problématique que j'aimerais ça attaquer cette fois-ci. C'est assez d'actualité aussi. Oui. Bon, des fois, c'est pas du harcèlement, c'est pas nécessairement quelque chose de toujours très dramatique. Je prends un exemple qui est plutôt grave. Quand on pense au député de l'Assemblée nationale, Jerry Sklavounos, qui oui. a été blanchi des allégations d'agression sexuelle, mais il y a plusieurs femmes qui travaillent à l'Assemblée nationale qui a dit que le comportement de M. Sklavounos à leur endroit était déplacé. Ça, c'est un exemple de choses qu'on peut voir oui. au travail. D'ailleurs, je veux pas entrer trop dans le détail des statistiques parce que tu m'expliquais que les recherches se contredisent, mais il semble que les femmes sont plus à risque de subir de l'intimidation au travail. Les chiffres, selon chaque étude, c'est toujours différent. Mais ce qu'on voit principalement, c'est une majorité de femmes. Souvent aussi, les femmes sur le marché du travail vont être à l'emploi, c'est souvent un employeur homme. Mm-hmm. Et puis, ce qui arrive, on n'a pas la même façon de penser. Faut voir aussi, le marché du travail a été fait majoritairement pour les hommes, mais les femmes qui arrivent sur le marché du travail, tout ça depuis combien d'années que les féministes travaillent fort pour qu'on puisse atteindre le marché du travail, l'égalité, l'équité. Nous, on a une autre façon de travailler. Et là, des ouais. fois, il peut avoir des chocs, puis ça peut être aussi la patate chaude de l'employeur ou du gestionnaire. Et des fois, le problème se pose quand un homme ou une femme veut monter les échelons. Là, il y a une pression vraiment de performance qui est là ouais. et qui peut mettre mal à l'aise les femmes, mais les hommes aussi, là. Bien, ce que j'ai remarqué, c'est souvent cette pression-là, hommes et femmes. Oui, on parle qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes. J'aime pas ce mot-là, mais c'est quand même ça. Ils souhaitent pas nécessairement là, vivre ça. Là. Donc, pour moi, c'est des gens qui vivent une situation d'intimidation, de harcèlement. Mais il y a aussi des hommes. Je m'adresse pas qu'aux femmes. Les hommes aussi peuvent être... J'en ai rencontré, même dans le cadre de l'émission Les Différents, il y a un homme qui travaillait, il faisait des toitures, puis il se faisait intimider par d'autres hommes. Ah oui. Oui, les chiffres se contredisent. En tout cas, on essaie de voir Par exemple, je voyais qu'il y a certains métiers qui sont plus susceptibles là, ouais. d'avoir des problématiques de ce genre-là. Donc, on parle, par exemple, de l'hôtellerie, de la restauration, des oui. bars. Mais dans le fond, ça, c'est des emplois où les gens sont souvent pas nécessairement bien payés. La pression de performer, puis c'est un domaine qui est très stressant. Juste à penser au chef, où est-ce que c'est un taux de suicide énorme à comparer aux autres métiers. Puis, c'est pour connaître les chefs en cuisine, tu veux dire? Les chefs en cuisine, ah oui? exactement. Taux de suicide plus élevé? Oui, ah, il y a un taux de suicide assez élevé dans ce cas-là. Mais parce qu'ils ont une pression tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça revient à ce que je disais tantôt. la pression, la performance, la peur de perdre son emploi, la précarité d'emploi, ça, c'est vraiment là, c'est un facteur qui est gros, qui déclenche beaucoup de l'intimidation, du harcèlement. Ou de l'exclusion, des fois, c'est pas dans les mots, ça va être juste dans les regards, dans l'attitude de nos collègues. Ignorer. Où on a l'impression, justement, qu'on fait pas partie de la gang. Mm-hmm. Et j'imagine que quand on fait partie d'une minorité visible, qu'on fait partie des minorités sexuelles ou à cause de la couleur de notre peau ou de notre origine ethnique, j'imagine qu'on peut se retrouver dans des situations des fois qui sont un peu plus difficiles. Et donc, c'est à ces gens que tu t'adresses, Mélanie. Groupe Atelier Intimidation au Travail. Donc, tu as mis ça en place dans les dernières semaines. Et en quoi ça consiste exactement? En fait, déjà au départ, c'est une porte d'entrée pour parler de ce qu'on vit, pour pouvoir aussi rencontrer des gens qui vivent des situations similaires à ce qu'on vit aussi. De pas se sentir tout seul. Parce que quand on est dans un environnement de travail, on n'a pas nécessairement envie d'aller aux ressources humaines, aller parler de ce qu'on vit. Ou sinon, à notre supérieur immédiat, surtout si c'est lui qui nous harcèle, qui a des gestes envers nous qui sont dégradants, des paroles, des commentaires. Donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment de faire une porte d'entrée pour les gens qui puissent aller parler, que ça soit une soupape qu'on puisse. Puis, c'est vraiment un environnement que je veux créer qui est sécuritaire, c'est-à-dire que aucun problème, on peut pas, et sans jugement surtout. Ça, c'est important. Ça, c'est hyper important pour moi. Pour les gens qui me suivent avec les différents, ils savent que moi, je veux pas de préjugés et de jugements. C'est là où est-ce que je vais attaquer. C'est ça. Donc, chez nous, j'aimerais ça qu'avec le groupe Atelier, ce soit exactement un endroit où est-ce qu'on peut parler. La boîte de Kleenex va être sur la table. Il y a aucun problème. Utilisez-en. Je vais aller chez Costco en acheter s'il faut. Mais ce que je veux dire, c'est que si les larmes montent, il n'y a pas personne qui va juger nécessairement ce qui se passe. C'est ouvert à tout le monde et à tout, vraiment là, toutes les catégories de types d'emploi. Donc, on parle d'une série de 10 rencontres. Oui, c'est 10 rencontres et une, dans ces 10-là, il y en a une que je vais vraiment rencontrer la personne toute seule à la fin ou sinon en cours de route, si la personne le sent qu'elle veut avancer un petit peu plus vite. Et puis, c'est là où est-ce que moi, je vais pouvoir les diriger vers les ressources compétentes. Mm-hmm. Qu'on parle des fois d'un orienteur, parce que des fois, on n'est pas dans le bon milieu de travail et on se met une pression de plus. Et des fois, c'est pas des situations nécessairement de harcèlement, mais on n'est vraiment pas bien. Donc là, c'est là où est-ce que je vais parler avec la personne, je vais essayer de comprendre, mais je tiens à le préciser, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute. Ça, c'est, j'enlève la job à personne et je me prétends pas. Mon rôle, c'est vraiment d'accompagner et d'écouter, les diriger vers les ressources compétentes. Que ce soit un coach de vie, il y en a qui vont préférer ça à un psychologue. Mm-hmm. Que ce soit un psychologue, je suis en train de me créer aussi un réseau de gens d'affaires de Québec qui sont hyper intéressants, puis professionnels, puis excellents dans leur domaine. Un groupe de gens d'affaires qui peut te conseiller peut-être? Qui peuvent être justement les ressources. Il y a par exemple mon collaborateur, Denis Viel, qui vient souvent à l'émission. Lui, c'est un conseiller en développement personnel et professionnel. Donc lui, c'est un bon soutien. Si vous voulez aller rencontrer quelqu'un, puis lui, il a un profil aussi. C'est quelqu'un qui est très calme. Est-ce que je vais y envoyer quelqu'un qui a besoin, qui ait plus de drive? Pas que Denis en a pas, mais c'est juste qu'il est beaucoup plus posé. Est-ce que faut que les personnalités aussi soient compatibles? Exact. OK. C'est intéressant, ça. Donc, un groupe pour d'abord parler de notre problématique, se sentir écouté, se sentir compris, sentir qu'on n'est pas seul, développer des stratégies pour régler le problème que l'on vit au travail. Malheureusement, dans certains cas, c'est ce que tu semblais dire dans le communiqué que tu as diffusé, c'est que malheureusement, dans certains cas, on va arriver à la conclusion qu'il faut quitter son emploi. Des fois, c'est la seule solution, mais c'est la dernière option qu'on considère, j'imagine. Selon moi, c'est vraiment la dernière option parce qu'à un moment donné, quand on essaie, souvent aussi, quand on fait affaire avec quelqu'un qui nous harcèle, c'est souvent des manipulateurs derrière ça, des manipulateurs narcissiques. Qui, des fois, nous donnent l'impression que c'est nous le problème. Exactement. Et leur but à eux, c'est de nous faire douter tout le temps. Mmh. C'est inconscient, bien souvent, dans leur cas. Et le but de faire douter, ben là, même si on décide de contre-manipuler en disant, ben oui, c'est ton opinion, c'est beau, on essaie de laisser aller, cette personne-là nous connaît, nous côtoie au moins 40 heures semaine. Donc, elle sait qu'on n'est pas nous-mêmes. Elle sait que, bon, fait que dans ce temps-là, c'est peut-être c'est mieux de s'en aller ou de faire une plainte avec les normes du travail, ouais. La CNEST maintenant. Donc, eux, c'est vraiment de toujours faire douter. Des fois, l'environnement est juste trop toxique. Ouais. Mais en terminant, Mélanie, je voulais te demander, en fait, comment on sait que c'est pour nous, que ça pourrait nous intéresser? Parce que des fois, on n'est pas bien au travail, on ne sait pas vraiment pourquoi. J'imagine que on se voile les yeux. Des fois, on ne veut pas voir qu'il y a un problème au travail. Mm-hmm. Et comment on peut, comment on se rend compte que finalement il y a une problématique, on subit de l'intimidation? J'ai peut-être une piste, en tout cas, je lisais ta page Facebook et tu disais, posez-vous la question, par exemple, avez-vous hâte à lundi matin? Avez-vous hâte d'aller au travail? Si la réponse c'est non, c'est probablement qu'il y a un problème, là. Il y a une cloche qui vient de sonner, ouais, là. C'est ça. C'est ça. Il y a un signal d'alarme et puis, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que, parce qu'il y a des symptômes physiques, il y a des symptômes... Oui, il y a beaucoup d'impact sur la santé. Exactement, il y a énormément d'impact. Ça peut être des fois juste la difficulté à digérer. Moi, je me rappelle, pour l'avoir vécu, je voyais ma boss arriver, je voyais juste son auto, et c'était instantané au travers de la vitrine, j'avais les crampes à l'estomac, je pliais en deux. Il y avait une réaction vraiment ça physique, là. Ça se peut que, bon, moi, dans mon cas, c'était cette façon-là. Il y en a que c'est de l'insomnie, là, qui vont se réveiller à 2-3 heures du matin, il y en a qui s'endormiront pas du tout. Donc, est-ce qu'on a hâte à aller travailler ou non? Ça, je pense que c'est une ambiance de travail qui mérite d'être... On passe 40 heures par semaine. Est-ce qu'on peut au moins avoir du plaisir en travaillant? Est-ce qu'on peut être bien? Est-ce qu'on peut s'épanouir? C'est important d'être heureux au travail. Malheureusement, j'ai pas les chiffres devant moi, mais je pense qu'une majorité de personnes ne se plaisent pas au travail pour différentes raisons. Si on pense que notre problème, c'est l'intimidation, le harcèlement ou l'exclusion au travail, et qu'on veut en apprendre davantage sur le groupe atelier que tu mets en place, Mélanie, comment on fait? Je pense que c'est la page Facebook le meilleur moyen. La page Facebook, ça s'appelle Intimidation au travail. C'est pas parce qu'on veut intimider, c'est parce qu'on veut prévenir l'intimidation et essayer de la tasser un petit peu. Donc, c'est la page Facebook qui s'appelle Intimidation au travail. Il y a tous les détails là-dessus. C'est-à-dire, si on veut nous appeler, il y a le bouton pour appeler. Il y a le formulaire, parce que je fais remplir un formulaire aussi pour évaluer les gens. Et c'est des petits groupes, hein. En passant, c'est de 6 à 8 personnes, gros, okay. Maximum 8 personnes. J'aime mieux partir plus de groupes et que d'avoir un groupe avec beaucoup de gens et qu'on peut pas prendre la parole, parce que c'est important de prendre la parole. Ben oui, c'est sûr. Alors très bien, la page Facebook, c'est très simple. Vous recherchez Intimidation au travail. Il y a un numéro de téléphone aussi. Oui. Donc on peut le donner, le 418-717-2222. Simplement. Oui. Donc, pour avoir plus d'informations ou éventuellement pour s'inscrire, le lieu où va se dérouler ces ateliers, ça reste à définir de ce que je comprends. L'information va être donnée éventuellement. Ça va être dans les alentours là, de Limoilou, dans ces coins-là. Ça peut être Charlebourg. Je suis vraiment là, en train de regarder au niveau du local parce que c'est il me faut des gens pour avoir. Donc, je veux pas louer un local. Puis, on attend de voir combien de personnes s'intéressent. Ouais. Ben oui, je veux aider les gens, en fait. Et je pense qu'en terminant, ça vaut la peine de mentionner le coût aussi. Pour vous donner une idée, parce que c'est pas tellement cher, je trouve, pour le service que tu rends, là. Non, c'est un coût, dans le fond, c'est 250 $. Ça revient à l'équivalent de 25 $ par rencontre. Donc, c'est abordable. J'essaie de rendre ça le plus abordable possible pour pouvoir que des gens, admettons qu'on travaille, on a un salaire plus bas, ben on va pouvoir quand même venir me voir, puis il y a des arrangements possibles là, avec moi. Une très belle initiative pour avoir l'esprit tranquille, pour être heureux au travail, pour ne plus subir d'harcèlement, d'intimidation au travail. Mélanie Fleurant, on t'écoute vendredi matin à 9h. Est-ce que tu as déjà un sujet? Est-ce qu'on peut savoir? Cette semaine, je fais relâche. Je laisse la place à l'école Saint-Fidèle, mais par contre, Vendredi le 24, la semaine prochaine, je reçois Aube Labbé pour parler d'autisme. Oh, ça va être intéressant, ça. Oui. Et pour, oui, j'ai déjà animé le vendredi matin, effectivement. Une fois de temps en temps, on est bien heureux de céder notre place, de céder le studio aux jeunes très dynamiques de l'école, je pense une école secondaire, oui, l'école Saint-Fidèle à Limoilou. Donc, ce sera ça vendredi à 9h. Et le 22 février, c'est le retour de l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant, merci beaucoup. Bien, merci à toi.